بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة فرأينا بالأمس اختلاف العلماء في صلاة الاستسقاء وفي خطبتها. On a vu hier la divergence des savants concernant la prière de l'istisqa, la prière liée à la demande de la pluie, et le sermon qui est lié à cette prière. وليعلم أن العلماء قد اختلفوا كذلك في وقت الصلاة. Et il est aussi bien de savoir que les savants ont divergé concernant le temps de cette prière. فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الصلاة تبدأ أو تقام في أي وقت. Et donc, il y a un groupe parmi les savants qui voit que cette prière, elle s'accomplit à n'importe quel instant. On peut accomplir la prière de l'istisqa, la demande de la pluie, à n'importe quel moment. وذهبت طائفة أخرى إلى أن وقت صلاة الاستسقاء يكون بارتفاع الشمس. Et certains savants, ils voient que la prière de l'istisqa, elle se fait à partir du moment où le soleil se lève un peu. وذلك من حديث عائشة رضي الله عنها الذي رأيناه بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس. Et cela en se basant sur le hadith de Aïcha radiallahu anha, qui stipule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti lorsque le soleil a commencé à apparaître, lorsqu'on voyait un bout du soleil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti. Et donc, la prière, il l'a accomplie un peu après. إذن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت صلاة الاستسقاء هو أول النهار حين ارتفعت الشمس قليلا وهو المعتبر. Et donc ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le temps de la prière, de la demande de la pluie, c'est le fait de l'accomplir en début de journée après que le soleil se soit un peu levé. Et c'est cela qui compte. Donc c'est ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ونعيد قراءة حديث عبد الله بن زيد الذي درسناه بالأمس. Et donc on va reprendre la lecture du hadith de Abdullah ibn Zayd qu'on a vu hier. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه. Et donc il dit le prophète صلى الله عليه وسلم est sorti faire la demande de la pluie et il s'est dirigé en direction de la Qibla, invoquant et il a retourné sa cape. ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. Puis il a accompli deux unités de prière dans lesquelles il a récité à haute voix. وفي لفظ إلى المصلى. Et dans une narration, il est stipulé qu'il s'est dirigé vers le lieu de prière. تكلمنا عن الدعاء لكن ما هي السنة في رفع اليدين للاستسقاء أي للدعاء. Et donc, on a parlé de l'invocation. Cependant, quelle est la sunna? Qu'est-ce que nous devons accomplir? Comment devons-nous lever les mains lorsque nous invoquons pour al-istisqa, la demande de la pluie? فذهب الجمهور وهم الشافعية والحنابلة والمالكية إلى أن السنة في رفع اليدين أن يجعل ظهر الكفين إلى السماء وظهرهما إلى الأرض. Et donc, le al-jumhur, c'est-à-dire l'imam al-Shafi'i, Ahmed et Malik, ils voient que la sunna, c'est de mettre le dos de la main vers le ciel et le plat de la main, la paume de la main, vers le sol, vers la terre. C'est-à-dire que la personne, c'est comme si, donc d'habitude, on a les deux mains levées vers le ciel. C'est-à-dire qu'on a la paume des mains vers le ciel. Là, la personne, elle lève les mains, jusqu'à presque ses mains se retournent de l'autre côté. Et donc, on va avoir ici la paume des mains dirigée vers le visage de cette personne. la paume des mains dirigée vers le visage de cette personne et les et le dos de la main dirigé vers le ciel. D'accord ? Et donc la personne va faire cette évocation en levant les mains comme telle. مستدلين بحديث أنس في صحيح مسلم قال فأشار بظهر كفيه إلى السماء. Et donc les savants qui voient que l'invocation se fait comme telle, ils se sont appuyés sur le hadith de Anas dans Sahih Muslim, dans lequel il dit alors il a dirigé ses mains vers le ciel en mettant le dos de ses deux mains vers le ciel. En mettant le dos de ses deux mains vers le ciel. Alors il a alors mis le dos de ses deux mains en direction du ciel. Khalafahum Abu Hanifa. Et donc l'imam Abu Hanifa, lui, il voit le contraire. Qu'il faut mettre donc la paume de la main vers le ciel. Wassawabu ma'al-jumhur. Et l'avis le plus juste est l'avis de Al-Jumhur, la majorité des savants, comme c'est cité dans la Sunnah. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحديث الثاني وهو آخر حديث في الباب. Ensuite l'auteur il nous cite le deuxième hadith qui est en réalité le dernier hadith de ce sous-chapitre. Il nous dit رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. Et donc il nous dit l'auteur rahimahullah, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qu'un homme est rentré dans la mosquée le jour du vendredi de la porte qui s'appelait donc la porte qui était en direction de Dar al-Qada. Dar al-Qada, c'est une demeure qui appartenait à Omar radiyallahu anhu. Lorsque Omar est mort, il avait une dette. Et il était aussi propriétaire de cette demeure. Cette demeure a été vendue pour rembourser la dette de Omar. Et c'est ainsi que cette demeure fut appelée Dar al-Qada. Dar al-Qada, c'est-à-dire donc le remboursement de la dette. Et donc cet homme, il est entré par une porte de la mosquée qui était en direction de Dar al-Qada. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il était debout, en train de faire son sermon, le sermon du vendredi. فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam قَائِمًا ثُمَّ قَالْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالِ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلِ فَدْعُ اللَّهَ يُغِيثَنَا. Et ensuite cet homme, il s'est donc mis en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, debout, et il a dit, ô messager d'Allah, certes, les biens sont perdus et les voies, donc les routes, sont coupées. Les routes sont coupées tellement il fait chaud, les gens ne sortent pas. Tellement il fait chaud, les gens ne sortent pas. Les biens sont perdus, on n'a plus de culture, on ne peut plus rien cultiver, etc. Il fait trop chaud. Et donc, tellement il fait chaud, les gens ne sortent pas. Même le commerce s'estompe. Et donc, invoque Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'il fasse descendre la pluie pour nous. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال. Alors il dit, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a levé ses deux mains et a dit, اللهم أغثنا. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا قال فدخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك فسألت أنس بن مالك هل هو الرجل الأول قال لا أدري. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cet homme, il a invoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport donc à tous ses biens qui étaient perdus par rapport donc les savants, ils ont cité les animaux et aussi donc le fait qu'ils ne pouvaient plus monter sur leur monture à cause de cette forte chaleur. Donc il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé les deux mains comme on a cité et il a dit Allahumma arithna, oh Allah, donc fais pleuvoir, fais tomber la pluie sur nous, fais tomber la pluie sur nous. Alors Anas radiallahu anhu, il dit, nous ne voyions pas à ce moment-là, on ne voyait pas dans le ciel ni grand nuage, ni petit nuage. On ne voyait pas de nuage dans le ciel. Il n'y avait rien du tout. Et il n'y avait entre nous et celle, c'est une montagne qui était à Médine. Il n'y avait entre nous et celle aucune maison, aucune demeure. C'est-à-dire, il nous montre ici, Anas, il n'y a rien qui nous empêchait de voir le ciel. Parce que peut-être que quelqu'un peut dire, oui, d'accord, ok, vous ne voyez rien dans le ciel, mais peut-être qu'il y avait des maisons qui vous empêchaient de voir. Anas, ici, il nous montre, non, il n'y avait rien dans le ciel, et en plus de ça, il n'y avait aucune demeure qui nous empêchait de voir quoi que ce soit. Et c'est alors donc qu'un petit nuage, comme Et Tours, donc c'est le bouclier qu'on va utiliser, donc comme un petit bouclier, donc, qui est sorti de derrière cette montagne, derrière celle-là. Et donc, ce petit nuage est sorti de derrière cette montagne. Et lorsqu'il est arrivé au milieu du ciel, il s'est propagé. Donc, ce petit nuage qui a grandi et qui s'est propagé. Fa'amtarat, thumma amtarat. Et donc, ensuite, la pluie est tombée. Alors, Anas qui nous dit, par Allah, nous n'avons pas vu le soleil pendant une semaine. Il nous dit, par Allah, nous n'avons pas vu le soleil pendant une semaine. Ensuite, il nous dit, Anas, radiallahu anhu, et un homme est rentré dans la mosquée, par donc cette même porte, le vendredi d'après. Donc, une semaine après, donc le vendredi d'après, un homme est rentré par cette même porte, alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était debout, en train de faire son sermon. Il s'est mis en face de lui, debout, et il a dit, oh messager d'Allah, certes nos biens sont perdus, et les routes sont coupées. Donc nos biens sont perdus, il y a trop d'eau, les routes sont coupées aussi, il y a trop d'eau, on ne peut plus circuler, on ne peut pas voyager normalement, plus de commerce, plus rien. Invoque Allah Azza wa Jal afin qu'il arrête cette pluie pour nous. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a levé les mains et a alors dit « Allahumma hawalina wa la alayna »« Oh Allah, autour de nous et pas sur nous »« Allahumma ala al-akami wa al-dhirabi wa butuni al-awdiyah »« Oh Allah, sur les al-akami » donc les morceaux de terre élevés. Donc ce sont des bouts de terre, des parcelles de terre qui sont un peu élevées. « Oh Allah, sur les parcelles de terre élevées, sur les petites montagnes » sur les chenaux. Donc chenaux, le pluriel de chenal, c'est un canal en fait. C'est le canal qui permet de faire circuler l'eau. Sauf que lorsque c'est un canal qui est fait par les êtres humains, on appelle ça un canal. Et lorsque c'est fait, que l'être humain n'a rien fait pour que ce canal soit présent, on va l'appeler chenal. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui invoque pour que l'eau tombe dans ces chenaux et aussi dans les zones où il y a des arbres pour que ça nous soit profitable. Et donc Anas qui nous dit, donc la pluie s'est arrêtée et nous sommes sortis, on marchait sous le soleil. Nous sommes sortis de la mosquée, on marchait sous le soleil. Sharik, Donc un des narrateurs du hadith, celui qui a pris ce hadith de Anas, il nous dit, j'ai demandé à Anas ibn Malik, est-ce que l'homme qui est venu la deuxième fois, demander au prophète, c'est le même qui est venu la première fois? Anas lui a dit, radiallahu anhu, la adri, je ne sais pas. هذا الحديث استدل به أبو حنيفة رحمه الله على أنه لا يشرع الصلاة للاستسقاء وإنما المشروع هو الدعاء. Et donc ce hadith, c'est le hadith sur lequel s'est appuyé Abu Hanifa رحمه الله pour dire qu'il n'y a pas de prière pour demander la pluie, mais ce qui est légiféré, c'est l'invocation. Car on voit dans ce hadith que le prophète, il a invoqué. Il faisait sa khutbah du Jumu'ah, il a été donc interpellé pendant le Jumu'ah, il a invoqué, il n'a pas fait de salat, il n'a pas fait de prière particulière pour al-istisqa, pour la demande de la pluie. Wa qad bayyana anna ar-rajiha fil mas'alah mashru'iyyatu salat al-istisqa. Et on a cité, on a montré que l'avis le plus juste dans ce sujet, c'est qu'il est légiféré de faire la prière liée à la demande de la pluie. وأما حديث اليوم فيبين كيفية أخرى للاستسقاء ولا يمنع الكيفية الأولى التي فيها الصلاة. En ce qui concerne le hadith d'aujourd'hui, donc ce hadith-là, il nous montre une deuxième façon de faire la demande de la pluie, mais il ne nous montre pas une interdiction. Il n'y a pas ici une interdiction qui empêche de faire l'autre façon, c'est-à-dire avec la prière. Et donc on peut faire la demande de la pluie avec juste avec l'invocation, comme on peut faire la demande de la pluie avec la prière aussi. وفي هذا الحديث مسألة تكلمنا عنها سابقا وهي جواز مخاطبة الإمام يوم الجمعة للمصلحة. Il y a dans ce hadith un sujet qu'on a déjà abordé précédemment, c'est le fait qu'il est permis de s'adresser à l'imam pendant le sermon du vendredi, et cela pour un intérêt spécifique. Les savants nous citent un intérêt profitable à la communauté. Wa fi hadha al-hadith aydan ayatun min ayat an-nubuwah fa inna an-nas qad na'am fa inna an-nas قد أصيبوا بالقحط فدعا الله فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فاستجاب له. Et donc il y a dans ce hadith un des signes de la prophétie. Car certes les gens, ils furent touchés par la sécheresse. Le prophète صلى الله عليه وسلم a alors invoqué son Seigneur qui l'a exaucé. فنزل المطر. Et donc la pluie est tombée. أسبوعاً كاملاً. La pluie est tombée pendant une semaine entière. ثم دعا الله مرة أخرى فحبس المطر. Et donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué son Seigneur une deuxième fois et c'est là que la pluie s'est interrompue. فالله تبارك وتعالى يرسل أنبياءه ورسله بالآيات الدالة على صدق ما جاءوا به. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il envoie ses prophètes et ses messagers avec des signes qui montrent le caractère véridique de ce avec quoi ils sont venus. Wal yahoud kadhabu bi risalati Isa ma'a kathratil ayati dallati ala sidqihi. Et les juifs, ils ont traité de mensonge le message de Isa, de Jésus, malgré le grand nombre de signes qu'il avait, qui montrait le caractère véridique de ses propos. Wal yahoudu, na'am, wa fa'ankara alihim, fa'ankarat alihim un-nasara, thumma taba'uhum fi dhalik, lamma kadhabu bi risalati nabiyyina, Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ma'a kathrati al-ayati dallati ala sidqi ma ja'a bihi. Et donc ensuite, les chrétiens, ils ont fait le reproche aux juifs. Ils ont reproché aux juifs le fait d'avoir traité de mensonge Isa, Jésus, malgré tous les signes qu'il y avait avec lui pour montrer le caractère véridique de ses propos. Mais ensuite, les chrétiens, ils ont suivi les juifs. Ils ont fait la même chose qu'eux. Lorsqu'ils ont donc traité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de mensonge, ils ont traité sa prophétie de mensonge malgré tous les signes qu'il avait avec lui montrant le caractère véridique de ses propos. Wa fi hadha al-hadith شدة حاجة الناس إلى المطر وأن الله تبارك وتعالى هو الذي ينزله علينا. Il y a aussi dans ce hadith le grand besoin des gens, le grand besoin que nous avons de la pluie. Nous avons besoin de la pluie, nous avons besoin de cette eau. Et le fait que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui fait descendre sur nous la pluie. Et donc nous devons revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala repentant et le remercier pour les grands bienfaits qu'il nous accorde. Il est certes capable de toutes choses. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous pardonner nos péchés et de nous accorder une science profitable. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khaira.